Terence, parle-nous un petit peu du cassoulet là. Oh, la dernière fois, je me baladais. J'étais du côté de Barbès, vous me connaissez, j'aime bien faire voilà, de la zoologie. Bon, j'étais à Barbès, tranquille, genre dans une épicerie. Je le dis Sahit, Bark. J'allonge les mots de base, quoi. Tu vois, Sahit, Bark, ça passe. C'est pas que je vois toute une rangée de cassoulets, bo boîtes de conserve. Et là, je vois cassoulet d'Oran, cassoulet de Sétif, cassoulet d'Alger. Il y avait différentes couleurs. Mais ce que je comprenais pas, c'était la même photo. Ah, je lui dis, Marc, c'est quoi la différence? Là, il me regarde, il me fait, celui de Sétif, il est un peu plus parfumé. Au sud d'Alger, il a un peu de senteur. Je ne sais pas ce qu'il disait, le gars, c'était un truc chimique, conservateur. C'était une boîte de conserve toute pourrie, avec le logo Halal ISO 4854 divisé par deux. Puis voilà quoi. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, jamais de la vie, j'achèterai ces boîtes. Et le vent? Ben, j'allais y venir. Le gars, il me regarde, il me fait oh, je te conseille ce soir, tu prends une petite boîte, parque un petit bon vin rouge. Je le regarde, je dis, mais oh, je suis musulman, quoi, tu vois, c'est quoi ça? Je rentre dans une boucherie, épicerie, je me dis, en plus, ça, c'est halal, le cassoulet. Et là, il me sort une bouteille de vin, c'est marqué Pinard de Sétif. Moi, je comprends pas. À un moment, je me suis dit, attends, je suis dans une boucherie française. Voilà, à la limite, je vais trouver un saucisson. Il va me dire que le cochon, il s'est converti. Franchement, j'ai rien compris. Ils veulent tous manger comme les Français. Oh, tu rigoles. Non, mais c'est ça qui me fait rire. C'est que tu rigoles, mais toi, je te conseille de rentrer dans ces épiceries. Tu vas dire que si je rigole ou pas, tu vas me dire, Haram, il avait raison. Non, mais je sais. Ils sont un délire un peu à la Gueorrie. Après, il y avait, tu sais, les trucs où il y a les glaces, là, tu vois, avec le bloc là, frigorifique. J'ai vu un hachis parmentier. Hachis parmentier. Z. Non, mais déjà, t'es pas choqué, toi, hachis parmentier. C'est choquant, regarde, c'est choquant, bah ouais, surtout dans une boucherie soi-disant Khoroto, musulmane. Après, j'ai pris le paquet, j'ai regardé un peu. Bon, ça se voyait que ça sentait business algérien. Et puis, je vois les conservateurs, il y avait un paragraphe de conservateurs. Il y avait le E404, E406, E504. C'est pas des Peugeot. Hein. Et je le regarde, le gars, je lui fais. Oh, quand même, c'est chimique ton truc. Et là, il me fait, ouais, matraf. Il me désigne, tu sais, le logo Mosquée de Paris, ISO 4800 Darmanin, Halal. Eh ben. Donc, moi, je dois me taper un truc chimique. Mais voilà, c'est pas grave. De toute façon, ce mail-là, il y a le logo de la Mosquée de Paris d'Armanin, de la République de France. Ah, cac. Ah, tu sais quoi, des fois, tu as envie de sortir, de prendre un avion, d'aller au Maroc tranquille, sortir, acheter un bon djeshmeldi et le passer à la marmite tranquille, tagine, poulet citron, tagine, et puis voilà, quoi, on n'en parle plus, quoi. On sort de ce cauchemar. Ah, il n'y a pas mieux, Et t'as Ah, vu, c'est même clair. dans la bouteille de vin, ils ont mis carrément Koutoubi, hein. Ah, mais ils ont tout fait, hein, ils ont tout fait. De toute façon, l'idée, c'est à la base, l'idée, c'est de manger comme son maître, hein, comme 132 ans, tout ça, d'avoir les mêmes pratiques. Couteau, fourchette, assiette individuelle, table haute, Mais bientôt, chandelier. même toi, ils vont te cloner, Prince Arroyo. Tu vas voir des copies d'Yelek, des copies d'Anse. D'ailleurs, tu sais que les gars, ils comprennent pas pourquoi on a une table ronde. Rabaissés, ils comprennent pas comment on mange. Un tchouma, l'assiette individuelle, l'assiette centrale, la table elle est baissée. Moi je peux pas manger comme ça. Moi, il me faut une table haute avec des couteaux fourchettes. À la Géorie. Nous sommes civilisés. Nous sommes marocains. Arriéré. Là, qui vous dit que Obi-Wan, nous sommes civilisationnés. C'est gauche Ah, civilisé. évidemment, évidemment. Parce qu'apparemment, civilisationné, c'est meilleur. La preuve, leur président, il sait très bien calculer. On a bien vu avec les milliards qu'il a découverts. Donc, non, mais je ne sais pas, vous avez vu la communauté, on va dire, musulmane, surtout franco-algérienne, qui est en nombre. C'est eux qui sont dominants en France. Ils ont orienté la culture de la malbouffe, parce que, en fait, ils sont incapables de cuisiner bildi parce qu'ils n'ont pas de cuisine. Et en fait, c'est à cause d'eux qu'en fait, ça s'est multiplié, ces trucs-là bizarres, quoi. Cassoulet halal, hachis parmentier halal, choucroute halal, champagne halal, vin halal. Oh, ouais, on en a marre. Et en fait, ce qui résiste en France, c'est les petites villes tenues par des Marocains. Où, voilà, quoi, tu rentres dans Obi-Wan. Tu veux que je te raconte quand tu rentres dans une épicerie marocaine à Bruxelles ou dans des petits patelins en France? Tu veux que je te raconte comment ça se passe? Tu rentres déjà, tu prends un vent de fraîcheur, tu comprends pas, il y a le nana qui te gratte le nez déjà. Et le moulhanout qui chauffe, qui goulle, ah yallah, il a descendu l'avion hier, là, tu vois, là, avec le nana. Tu sens tout le Maghreb dans ton nez. Kamoun, l'ham, il est frais, il est beau. En plus, au niveau de l'ham, ils prennent les meilleures bêtes, tu sais, des agriculteurs français. Hamburgers. Non, non, mais attends, tu sais ce qu'ils font? Tu sais ce qu'ils font, les boucheries marocains? Ils vont dans les Ahsen, c'est agriculteurs français, ils sélectionnent les meilleures bêtes. Parce que non, on n'achète pas de la viande qui pue, tu vois. Et tu rentres, t'as les produits marocains importés direct par avion, des légumes, il n'y a pas de souci. Et ça sent bon, il n'y a pas de boîte de conserve au travers, il n'y a rien du tout. T'as Ras El Hanout, des trucs comme ça. Ah, Obi-Wan, ah, c'est une sacrée différence. Hein. T'es pas dans une boucherie à Barbès avec des conserves et des surgelés. Hein. Et des saucisses Hertha Berlin. C'est pas le club de foot, hein, avec Hertha Berlin Halal. Chipolata, plein de gras. Et la ratatouille. En conserve. Ouais. Sérieux, tu l'as vu? Tu l'as vu? Halal. Halal. Oh là là là là. Putain, ça part en couille, hein. Et les cordons bleus. Je suis désolé, les cordons bleus. Qui a inventé cette merde? C'est dégueulasse, ça. Oui, Obi-Wan, je fais la différence entre les épiceries et les boucheries, c'est pas la même chose. Mais bien sûr, hein, quand j'étais en France, j'ai vu qu'il y avait une grande différence entre nos pâtisseries et tout, tu vois. À l'époque, tu faisais que découvrir et tu t'apercevais que instinctivement, ton palais, il faisait la différence. Parce que tu avais même des restos qui se disaient marocains, qui affichaient marocains alors qu'ils ne l'étaient pas. Les propriétés des Algériens. Ouais, ça, c'est la publicité mensongère. C'est pas sérieux, ça. Parce qu'il y avait un gars qui m'a emmené, enfin une nana qui m'a emmené dans un resto. Et il m'a dit resto marocain. Et je vois le couscous merguez. J'appelle le gérant. Non, moi, je serais sorti tout de suite. J'appelle le gérant, je lui dis, écoute, T'es gentil, toi. Moi, je serais sorti tout de marocain. suite. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et il a commencé à me parler, j'ai vu son accent algérien. Donc j'ai compris. Et bon, je suis pas parti, mais j'ai dit à la nana, je lui ai dit non, non, ça c'est pas marocain. C'est Hein. J'ai dit dégueulasse. ça c'est dégueulasse, Ah ouais, c'est mais t'es resté dégueulasse. manger. T'es resté manger ça. Merguez. Non, je pourrais pas. Hein. Moi, je pourrais pas manger ça. Hein. Enfin, c'est une insulte au xoxo. Mais Hein. aujourd'hui, je suis sorcier. Hein. J'ai jamais goûté ça, moi, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais il n'y avait pas le gras, il n'y avait pas le lift, il n'y avait pas le hamas ou le zbib. C'est Même le dégueulasse. ham, comment il est cuit, tout est dégueulasse en fait. C'est le ham pneumatique, caoutchouc. C'est pas le, la viande de bœuf bien fondue dans tes doigts, là, tu la prends. Elle a une odeur superbe, tu vois. La viande qui coule dans la bouche comme ça, bien forte, tu as du bœuf. Ah, comme si le bœuf, il était frais, quoi. Eux, c'est un truc plastique, pneumatique. Viande, j'amène Brésil ou l'Argentine. J'amène les années 2010, congelées, congelées chez Amine. Non, mais en plus, moi je suis sûr qu'ils mettent que des conserves. Viande de conserve, boulettes de bœuf industrielle, là, pour les C'est professionnels. moins cher, c'est moins cher. Ah, parce que j'avais vu déjà une émission par rapport au restaurant, même entre guillemets, qui se disait fait maison. Et la triche, comment ils confectionnaient les plats. Donc je me dis que donc les Algériens, ils doivent faire pire.